quand il prend le mic, il rigole pas. Accroche-toi, poteau. Prends ma chromatique. Carnage volume 1. Châtillon, okay. En mode pour la saison, le look en combinaison. L'été à l'approche, c'est la fin d'hibernation. Tu revois les têtes que tu ne vois plus depuis un bail. L'hiver c'est le calvaire, c'est fou comment il caille. Là c'est la chire, les miens re-respirent. Ça fait plaisir, la tête refait son sourire. On se donne les infos du ghetto. Paro, Bico, Negro, sur la terrasse du McDo. Une glace à la main, je vais voir ce qui se passe ailleurs. Barbac sur le parking, je vois que j'arrive à la bonne heure. Ambiance casse dalle, y'a tous les petits qui ont la dalle. Ils font zarmal et timide quand leur grand frère les regarde mal. Hassoul, le son hot school, me rend cool. La foule est calée, y'a du poulet au deuxième round. Fin de journée, prêt à quitter la zone. Ce soir le ghetto se déplace à la foire du trône, yeah. C'est le son de l'été, vas-y fais péter. Si t'es devant ou derrière ta cité, sont en train de cricher, les autres sont en virée. Range les écouteurs, je vais t'expliquer. Non, non, t'es pas le seul, non, non, t'es pas seul. Y'a ma voix qui résonne dans tes oreilles. Ouais, c'est bien moi, ouais, c'est Chroma. Là tu pourras profiter du soleil. Ça brûle, y'a de la chaleur dans ton véhicule. Ma voix climatiseur va te faire oublier la canicule. C'est agréable, flow inimaginable. Le croc à l'écran, vois le micro que je passe à table. Technique, j'rap, j'm'applique. Kick le beat, v'là l'élite. Tactique, authentique. Style unique de musique. L'heure est à la performance. Mon rap c'est musclore, trop de corps, corpulence. Des boîtes en T-Max en faisant des voix de Condé. Les pauvres sont dans la capacité de te rattraper. On aime nos étés quand ils sont mouvementés. Quand on est au complet, que personne se fait péter. Pour les villes près de chez Wam, du 9-2, c'est Châtillon, Vent, Malakoff, Clamart, Fontenay, Bagneux. C'est le son de l'été, vas-y fais péter. Si t'es devant ou derrière ta cité, sont en train de cricher, les autres sont en virée. Range les écouteurs, je vais t'expliquer. Non, non, t'es pas le seul, non, non, t'es pas seul. Y'a ma voix qui résonne dans tes oreilles. Ouais, c'est bien moi, ouais, c'est Chroma. Là tu pourras profiter du soleil. Chante avec moi. La la la la la la la la la la la la la la. Répète après moi. La la la la la la la la la la la la la la. Même les gros you voir. La la la la la la la la la la la la la la. Juste une dernière fois. La la la la la la la la la la la la la. L'été est là, les scarlas se mettent aux haltères. Bien sûr qu'il faut pousser pour tenir les murs du terre-terre. Les mecs transforment le quartier en circuit. De quad, compète, mini-moto et puis oui. Mais le son à fond même si il se fait tard. On aime foutre la rage au Cisra qui nous regarde. C'est l'été, vas-y fais péter. Pas le temps d'hésiter, j'suis venu commenter, yeah. C'est le son de l'été, vas-y fais péter. Si t'es devant ou derrière ta cité, sont en train de cricher, les autres sont en virée. Range les écouteurs, j'vais t'expliquer. Non, non, t'es pas le seul, non, non, t'es pas seul. Y'a ma voix qui résonne dans tes oreilles. Ouais, c'est bien moi, ouais, c'est Chroma. Là tu pourras profiter du soleil.